Dieu ne veut pas que nous nous appuyions sur le passé, si proche soit-il, mais uniquement sur lui. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Dieu équipe chacun de nous avec des dons et des talents. Ils sont faits sur mesure pour la tâche qu'il a en vue pour nous. Par exemple, le Seigneur peut donner à une enseignante de la maternelle un amour pour les enfants. Ou il peut donner à un entrepreneur un sens de la gestion financière. Le talent unique que Dieu nous a donné pour être efficace dans son œuvre peut être aussi une pierre d'achoppement. Aujourd'hui, Charles Stanley nous explique que nos dons et nos talents n'éliminent pas la nécessité d'être guidés par le Saint-Esprit. Lorsque nous avons trop confiance en nous, nous pouvons facilement décider de faire à notre tête et nous écarter du plan de Dieu. Charles Stanley nous parle du fondement de la foi chrétienne selon la Bible, aujourd'hui à En Contact. La Bible contient de nombreuses doctrines, mais en lisant les épîtres de Paul aux Galates, aux Éphésiens, aux Colossiens et aux Philippiens, vous noterez qu'au début de chacune, Paul traite du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, qui est une expiation et une rédemption. Ouvrons nos Bibles au deuxième chapitre de la première épître aux Corinthiens et lisons les cinq premiers versets. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. En fait, l'apôtre Paul dit, c'est le message que les Corinthiens ont besoin d'entendre. Ce message dit que Jésus-Christ est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité pour le salut des hommes. Tout le reste est érigé sur cette fondation. Si vous ne comprenez pas la crucifixion, le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix, vous demeurerez spirituellement aveugle. Si vous ne croyez pas que Jésus a versé son sang pour vos péchés et que vous n'en voyez pas la nécessité, vous vous tournerez vers de faux espoirs. Paul parle aux Corinthiens. « Lorsque je suis venu parmi vous, j'avais décidé de ne prêcher que Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ a été crucifié dans le passé, mais les effets de sa crucifixion se manifestent encore aujourd'hui, et sa mort expiatoire est encore puissante pour sauver des âmes. Jésus-Christ a été crucifié, et c'est le seul sujet sur lequel j'ai voulu prêcher. Réfléchissez à ce que vient d'affirmer Paul. La Bible présente la mort expiatoire de Jésus-Christ. Dieu le Père, voyant la misère de l'humanité, sa déchéance, son désespoir et son impuissance à se sauver, a envoyé son Fils unique, qui était sans péché, mourir pour les nôtres, de sorte que nous puissions être sauvés et acceptés par Dieu par grâce au moyen de la foi. Dieu accepte la mort de son Fils comme étant un sacrifice suffisant pour le pardon des péchés, ce qui rend le salut de n'importe quelle personne possible. Et le sacrifice de son Fils est le seul moyen de salut possible. Quiconque est sauvé comprend suffisamment la mort expiatoire du Seigneur Jésus pour en parler à n'importe qui, n'importe où dans le monde. Cette vérité est le fondement de tout ce qui se trouve dans la Bible. Dieu ne veut pas que quiconque qui enseigne sa parole, soit à titre d'enseignant de l'école du dimanche ou à titre de pasteur, la dilue pour rendre le message de l'Évangile plus agréable et plus acceptable aux yeux du monde. Dieu n'a jamais exigé qu'une personne enseigne avec la sagesse des hommes ou avec éloquence. Dieu veut que nous parlions, mus par l'amour de Christ, qui nous presse, et par la compassion pour les âmes perdues. Paul est venu prêcher à Corinthe avec cette attitude, et il en était ainsi partout où il a apporté le message de l'Évangile. En fait, Paul a dit, « Je ne me suis pas présenté à vous comme un grand orateur. Je ne suis pas venu pour vous épater avec mes talents d'orateur. Je n'ai pas agi en philosophe pour vous persuader de devenir chrétien avec des raisonnements et des arguments, ou pour vous convaincre au moyen de mon habileté à argumenter ou à présenter un raisonnement logique. Je ne vous ai pas approché de cette façon. En fait, je suis venu à vous en tremblant et avec crainte, étant conscient de ma faiblesse. Le texte biblique dit « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » 1 Corinthiens chapitre 2, verset 3. Qu'entend Paul par le mot « crainte » Avait-il peur des Corinthiens? Certainement pas. Dans ce verset, Paul ne parle pas d'avoir peur. Derrière le véritable sens du mot « crainte » se trouve le secret de l'efficacité de tout ce que nous disons ou faisons au nom de Jésus-Christ. Alors je vous prie de prêter attention. L'apôtre Paul insiste. « J'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. » Il savait qu'il se présentait devant un groupe de Corinthiens qui aimaient la philosophie et la sensualité. Cela faisait partie de leur culture et de leur quotidien. Ils aimaient discuter de philosophie et vivre dans la sensualité, le matérialisme. Or, Paul mentionne ceci. « J'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Il ne se sentait pas suffisamment compétent. Certaines personnes pensent que Paul parlait d'une faiblesse physique. Cela pourrait être le cas, mais dans ce contexte, il se sentait surtout dépassé par la tâche et incompétent. Certains affirment que nous ne devrions pas nous sentir ainsi si nous sommes remplis de l'esprit. Cependant, Paul ne plaçait pas sa confiance en lui. « J'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Qu'entendait Paul par crainte et tremblement? En fait, Paul s'inquiétait d'un fait. Il avait peur de desservir Dieu et d'en parler d'une façon vaine. Il avait peur que le message ne soit étouffé. Il tremblait à l'idée qu'il pouvait échouer en essayant de transmettre clairement le message de l'Évangile. Il craignait et tremblait parce qu'il désirait ardemment que son message soit compris et reçu. Ce que je viens de mentionner explique une partie du secret du succès de l'apôtre Paul. Il ne se sentait pas entièrement compétent, mais il sentait qu'il pouvait réussir avec l'aide de l'Esprit. Paul a affirmé « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Citation de 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. « Car c'est lorsque je me sens faible et impuissant que Dieu manifeste sa puissance en moi. » Je pense que l'un des problèmes de la marche chrétienne, c'est qu'après avoir servi pendant un certain temps, nous avons trop confiance en nous-mêmes. En fait, si nous servons le Seigneur depuis 50 ans, nous ne devrions pas avoir davantage confiance en nous que le premier jour où nous avons prêché. C'est en Jésus-Christ que nous trouvons la sagesse et l'assurance pour enseigner et pour servir dans tout autre ministère. Notre sentiment de faiblesse devrait nous amener à prier et à dire au Seigneur Jésus que s'il n'agit pas, la tâche ne sera pas accompli. Ensuite, il faut se mettre au travail avec crainte et tremblement. Nous devons dépendre de la puissance du Saint-Esprit en nous pour accomplir la tâche qu'il nous a confiée. Le Saint-Esprit ne nous rendra jamais capables d'accomplir le travail au moyen de nos propres forces, mais il fera de nous ses instruments. Lorsque j'ai le sentiment de ne pouvoir rien faire sans l'aide de l'Esprit, je peux louer le Seigneur, car c'est un sentiment admissible qui m'amène à m'appuyer sur l'Esprit. Que faisons-nous ensuite? Nous disons, « Mais Seigneur, tu as dit que tu voulais que mes yeux soient ouverts afin que je puisse contempler la grandeur insurpassable de ta toute-puissance qui se manifeste à travers ma vie. Je n'ai donc pas besoin de craindre qui que ce soit. Cependant, la crainte et le tremblement que nous éprouvons viennent de Dieu afin que nous dépendions de lui, que nous nous appuyions sur son Saint-Esprit et que nous lui fassions confiance pour accomplir son œuvre. C'est pour cette raison qu'il peut prendre l'individu le plus ordinaire parmi nous et accomplir de grandes choses par lui si son attitude est une attitude de dépendance vis-à-vis de Dieu. Le Seigneur n'a rien mentionné au sujet d'études bibliques ou d'un diplôme universitaire. Il n'a jamais parlé de cela. Il a simplement parlé en ces termes. « Je veux que tu viennes à moi avec un esprit d'humilité, en me croyant, en me faisant confiance et en ne dépendant que de moi pour de l'aide, personne d'autre. » Or, après plusieurs années de service dans l'œuvre du Seigneur, il arrive souvent que nous nous appuyons sur notre expérience et sur ce que nous avons accompli dans le passé. Si Dieu nous accorde quelques victoires, deux ou trois, que se produit-il? Le diable nous chuchote à l'oreille. Pas mal du tout. En fait, cela est un mensonge. Dieu ne veut pas que nous nous appuyions sur ce que nous avons fait hier, ce matin, il y a 2 heures, il y a 1 heure ou il y a 1/2 heure. Dieu veut que nous dépendions de lui à chaque minute. Si nous cessons de dépendre de nos habiletés, de notre expérience et de nos connaissances, nous n'avons plus que Dieu de qui dépendre. Seulement, un homme insensé va tenter de servir Dieu de ses propres forces. Sans être conscient de sa faiblesse et de son impuissance, et sans s'appuyer uniquement et entièrement sur Dieu. Sans Dieu pour appui, nous n'exercerons pas un ministère fructueux, avec des effets transformateurs de longue durée et permanents. L'apôtre Paul est donc venu vers les Corinthiens en faisant confiance à Dieu. Au verset 4, l'apôtre Paul a confirmé ce fait. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Le mot grec, qui traduit « démonstration » est « apodexis », et c'est l'unique fois que ce mot est employé dans le Nouveau Testament. Paul dit « Voici ce que je voulais. Voici ma motivation. » Je ne suis pas venu pour vous parler avec éloquence, ni avec des aptitudes d'orateur pour présenter des raisonnements philosophiques, mais je suis venu vers vous avec ma faiblesse, avec crainte et tremblement, en m'appuyant sur Dieu, en comptant sur la démonstration de la puissance de son esprit. Tout ce qui a de la valeur dans l'œuvre du Seigneur est fait avec l'esprit de Dieu et la puissance de Dieu. Si l'esprit et la puissance divine sont absents, l'œuvre ne sera pas permanente. Si une chose n'est pas une démonstration de la puissance divine, si nous pouvons expliquer logiquement ou scientifiquement ce qui se produit dans notre vie, si nous pouvons expliquer logiquement ce qui se passe avec notre communion avec Dieu, si nous pouvons logiquement expliquer ce qui se passe dans notre vie, alors c'est d'origine humaine. Il manque un élément spirituel essentiel. Paul explique que lorsque Dieu est à l'œuvre dans notre vie, c'est une démonstration de son esprit et de sa puissance divine. Paul pouvait approcher les Athéniens, les Corinthiens et les Grecs de 2 façons. Il pouvait parler avec éloquence ou encore présenter des arguments rationnels et philosophiques sur les sujets qui intéressaient son auditoire. Il aurait pu attirer des foules nombreuses, mais les vies n'auraient pas été transformées. Mes amis, je veux que vous compreniez un point essentiel. Si vous diluez l'Évangile ou si vous faites des compromis pour attirer une foule, vous étouffez la puissance de votre ministère, que vous soyez un enseignant, un pasteur, un prédicateur ou un missionnaire. Paul n'était pas intéressé à attirer les foules. Qu'est-ce qui l'intéressait? Il désirait que la crucifixion du Seigneur Jésus devienne une réalité dans le cœur des Corinthiens. Dieu veut que chacun d'entre nous soit crucifié et ramené à la vie en Christ Jésus. Chaque minute de notre vie doit être celle d'une personne crucifiée avec Jésus-Christ. Nous devons comprendre le but de la crucifixion du Seigneur il y a 2000 ans, et nous devons en expérimenter la réalité dans notre vie. Dieu peut seulement se révéler à travers nous si notre discours et nos actions reposent sur une démonstration de la puissance de l'Esprit. Mes amis, vous vivez soit pour le Seigneur Jésus, soit pour vous. Le Dieu Tout-Puissant, qui a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous, mérite que chacun d'entre nous s'implique dans un ministère dans le but de transformer des vies. Dieu nous a confié la mission de porter la bonne nouvelle dans le monde entier, et Dieu nous a montré comment l'accomplir. Nous pouvons l'accomplir par la puissance divine et sa sagesse. Dieu a seulement besoin de personnes qui viennent à lui parce qu'elles comprennent le message de la mort expiatoire de Jésus-Christ et ce que c'est que d'être crucifié et ramené à la vie avec Jésus-Christ. Êtes-vous prêt à vous avancer pour servir en étant conscient de votre impuissance, mais en étant disposé à vous appuyer sur le Saint-Esprit et à marcher avec l'assurance qui vient du fait que vous êtes en Christ Jésus? Êtes-vous prêt à vous avancer avec tremblement tout en sachant que Dieu accomplira son œuvre à travers vous? Mes amis, vous ne savez pas combien de vies vous pouvez influencer. Le verset 5 dit « Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Réfléchissons à cela pendant quelques minutes. De nombreuses personnes n'attendent qu'une expérience nouvelle ou une nouvelle vérité. Elles veulent tel ou tel don ainsi que d'autres bénédictions. Quel est le véritable problème? Ces gens ne veulent pas vivre pour le Seigneur Jésus et marcher dans l'obéissance, et ils ne veulent pas que Dieu se serve d'eux pour témoigner aux autres et les aider spirituellement. Ils veulent quelque chose qui vient d'en haut. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi cela n'est pas bon. Votre foi ne peut pas reposer sur quelque chose qu'un autre vous a dit. La foi de nombreuses personnes repose sur ce que d'autres leur ont dit. Cependant, chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un qui leur enseigne quelque chose de différent, leur foi est ébranlée. Ils ne savent pas qui croire et leur foi est chancelante. Leur foi est semblable aux flots de la mer qui sont agités d'un côté et de l'autre par le vent. Ces personnes sont troublées chaque fois que quelqu'un se présente avec un nouvel enseignement. Paul dit qu'il ne s'est pas présenté aux Corinthiens comme un orateur très éloquent ou comme un philosophe. Il leur annonce plutôt qu'il est venu vers eux en apportant un message qu'il a livré de façon à ce que leur foi ne repose pas sur les hommes, ni sur la logique humaine, ni sur l'éloquence du messager, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu. Quelqu'un pourrait vous demander « Comment sais-tu que l'Évangile donne des résultats? » Vous ne répondriez pas que l'Évangile donne des résultats parce que le prédicateur ou le pasteur l'a dit. Que leur diriez-vous en fait? Vous répondriez, l'Évangile produit des résultats parce que c'est une puissance de Dieu. L'Évangile n'est pas de l'éloquence, ce n'est pas un programme, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas de l'habileté, mais c'est une démonstration de la puissance du Dieu omnipotent. Dieu peut utiliser n'importe quel enseignant ou prédicateur maladroit qui aime Dieu et qui désire ce que Dieu veut pour manifester sa puissance. Si la seule réponse que je pourrais donner à celui qui me demande « Comment est-ce que je sais que la Bible est vraie ?» est « C'est ce qu'on m'a enseigné depuis mon enfance. » Que m'arriverait-il un jour ? Eh bien, c'est ce qui arrive à de nombreux étudiants lorsqu'ils quittent le foyer pour aller à l'université. Après 6 mois, leur foi est complètement ébranlée et anéantie. Pourquoi en est-il ainsi? Ils ont grandi dans un foyer chrétien et ils ont fréquenté une église, mais leur père et leur mère leur ont simplement donné leur propre foi. Ils ont peut-être remercié leurs parents pour l'enseignement reçu, mais ils n'ont jamais rien appris d'autre que la foi et les croyances de leurs parents. Cet enseignement devient leur système de croyances religieuses. Lorsqu'ils arrivent à l'université, quelqu'un conteste leur foi. Celle-ci est attaquée de tous côtés et est ébranlée. Leur foi est fondée sur ce que papa et maman leur ont enseigné. Les professeurs d'université leur disent que leurs parents sont dépassés et leurs croyances datent d'une autre époque. La foi de ces étudiants est vite anéantie. Il n'en aurait pas nécessairement été ainsi si leurs parents leur avaient dit qu'il faut croire quelque chose si la Bible l'enseigne, et non pas parce que leurs parents croient cette doctrine. nous devons chercher des manifestations de la puissance de Dieu dans notre foyer et dans nos familles. Nous devons chercher les preuves que le Seigneur est au travail dans le cœur des membres de la famille. Ensuite, vous pourrez envoyer votre fils ou votre fille dans n'importe quelle école, même dans des institutions impies, et ils en sortiront avec une foi affermie parce qu'elle est fondée sur une démonstration de la puissance de Dieu et non sur ce que leurs parents leur ont enseigné ou sur les croyances non affermies de leurs parents. Vous, les pères de famille, vous ne pouvez pas envoyer vos enfants aux études si leur foi repose uniquement sur ce que vous leur avez enseigné. En fait, ils ne peuvent pas s'appuyer sur ma propre foi non plus, c'est-à-dire uniquement sur ce que j'enseigne. Tout jeune qui quitte le domicile familial pour étudier ou travailler devrait être capable de se rappeler d'avoir vu des démonstrations de la puissance divine dans la vie de ses parents. Il devrait se rappeler de la puissance de Dieu qui a répondu aux prières, qui a pourvu à leurs besoins, qui travaille dans leur vie, qui modifie leurs attitudes et qui leur enseigne à construire des relations interpersonnelles. Tout jeune devrait quitter le domicile familial avec une foi fondée sur la puissance de Dieu et non sur une puissance humaine. Lorsqu'une foi est fondée sur la puissance divine, les tornades des doutes et de l'agnosticisme ne peuvent pas l'ébranler. Ces tornades ne peuvent pas déplacer d'un centimètre une personne qui a une foi fondée sur une démonstration de la puissance de Dieu. C'est pour cette raison que vous devez non seulement savoir ce que vous croyez, mais pourquoi vous le croyez, et demander à Dieu de vous démontrer sa puissance. Ainsi, vous vous appuierez sur un fondement solide. Vous ne vous appuierez pas sur les dires d'une personne au sujet de l'enseignement biblique, mais sur des preuves que Dieu vous aura données. Vous serez conscient d'avoir les pieds sur un fondement inébranlable. C'est pour cette raison que nous n'apprenons jamais à prier en lisant des livres ou en écoutant des sermons. Vous devez laisser Dieu vous démontrer personnellement sa puissance pour répondre à vos prières. Si quelqu'un vous demande si vous croyez que Dieu répond aux prières, vous n'hésitez pas à répondre « Oui, j'en ai fait l'expérience ». Voulez-vous que je vous raconte la dernière fois que Dieu a répondu à mes prières avec puissance? Vous ne perdrez pas votre crédibilité en disant « Eh bien, je pense que oui. » L'apôtre Paul a dit, « Je suis venu vers vous, mes amis de Corinthe, et je n'étais pas intéressé à vous impressionner, ni à diluer mon message pour le rendre plus acceptable à vos yeux. Je suis venu avec un seul message, Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. » Il a ajouté, « Je suis venu de sorte que votre foi ne repose pas sur moi, mon éloquence ou ma faculté de raisonner. » L'apôtre Paul visait le fait que les Corinthiens étaient divisés en factions, chacune ayant son prédicateur préféré, soit Paul, Apollos, Pierre ou Jésus-Christ. Paul a affirmé, « Je ne suis pas venu pour vous impressionner ou pour que vous m'admiriez. Je suis venu afin que vous soyez impressionnés par la personne de Jésus-Christ, de sorte qu'il travaille dans votre vie, que vous puissiez faire face à ce monde, que vous ayez confiance en lui, non parce que je vous aurai parlé de lui, mais parce que vous aurez été des témoins de sa puissance divine dans votre vie. » Mes amis, pouvez-vous honnêtement dire qu'il en est ainsi de vous? Croyez-vous que la Bible est vraie parce que quelqu'un vous l'a dit? Ou y croyez-vous parce que vous avez été personnellement touché par la puissance divine qui travaille dans votre vie? Goûtez à la puissance de Dieu. Avez-vous vu des preuves de la puissance surnaturelle de Dieu au cours de votre vie? Est-ce que les autres peuvent percevoir que vous êtes différent de la masse? Si ce n'est pas le cas, focalisez de nouveau sur la personne de Jésus-Christ. Charles Stanley vous exhorte à placer le Seigneur Jésus au centre de toutes vos activités. Tout doit graviter autour de lui. Alors,